c'est d'écouter ACDC. Doubler les camions, c'est super. Jeter sur les couvres amers. J'adore le noir et le bruyère. Surtout avec ACDC. À fond, à fond. Je roule comme un con. À fond, à fond. Je roule comme un con. À fond, à fond. Je roule comme un con. À fond, à fond. Et je monte dans le zoo. Tous ces crevards en costard et 3 heures passées à déjeuner. Dans un monde normal je m'arrêterais, mais là j'écoute ACDC. À gauche de chauffeur incanté, me passe pousser tous ces fumiers. Dans 10 minutes j'suis arrivé.